France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac et notre invité, c'est Gilles Bertil. Bonjour. Bonjour. Ancien juge d'instruction à la section antiterroriste, vous étiez en charge avec deux de vos confrères de l'affaire Erignac. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais savoir cette affaire, l'enquête et votre investissement dans l'enquête vous a laissé comme souvenir. C'est le souvenir en premier lieu d'une enquête particulièrement difficile. En général, les affaires criminelles ne sont pas toujours simples à résoudre, sauf lorsqu'elles se passent dans la sphère familiale. Là, il faut bien comprendre que dans le domaine du terrorisme, qui est celui de la clandestinité, bien évidemment, à part les communiqués anonymes de revendications, on doit identifier les auteurs de l'association de malfaiteurs qui a perpétré le crime. Et ça, ce n'est pas une partie de plaisir et ce n'est pas simple à l'évidence. Absolument, il y a un contexte très particulier, comme il y avait un contexte basque, comme il y a maintenant un contexte particulier dans le radicalisme islamiste. Mais c'est vrai que depuis la fin de la décennie 1960, la Corse a été secouée par de fortes turbulences qui ont vu porter sur les fonts baptismaux une organisation clandestine en 1976 et que ce mouvement clandestin et violent, faisant de la violence politique son principal argument, ce mouvement s'est atomisé entre différentes branches. Et il n'a pas été épargné par une dérive mafieuse contre laquelle les membres du groupe des anonymes, du groupe sans sigle ou du groupe sans nom, vous avez dit baptisé, c'est nous qui l'avons baptisé ainsi parce qu'il n'y avait pas ni de logo ni de sigle. Et d'ailleurs les membres du commando Erignac, pour ceux qui ont reconnu leur participation à l'assassinat du préfet et aux élections qui l'ont précédé, Strasbourg, Vichy et surtout l'attaque de la gendarmerie de Pietrozel, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas de sigle pour ne pas être récupérés. Et ces gens-là ont imputé à l'État français, ce qui est quand même un peu paradoxal, la dérive mafieuse de leur propre mouvement, en disant l'État n'a rien fait pour empêcher ça. C'est quand même un petit peu paradoxal. Et que ce soit Alain Ferrandi, Pierre Alessandri et bien d'autres ont expliqué qu'en définitive, ils voulaient retrouver à travers cet assassinat symbolique. Ils disaient on a assassiné un symbole, le symbole de l'État. Il y a quand même un homme. Et c'est un homme qui a pris 3 balles dans la nuque. Je passe sur le caractère héroïque de cette action. Un homme désarmé qui va au théâtre et qui est abattu comme un chien un soir pisseux de février. Par l'assassin qui arrive dans le dos en plus. Ça me fait un peu penser à la formule bien connue, je ne sais plus si c'était de Goebbels ou de Göring, mais quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Ouais. Là, il s'agissait d'un pistolet automatique Beretta volé 5 mois plus tôt, jour pour jour, aux gendarmes de la brigade de gendarmerie de Pietrozel. Oui. Action perpétrée par le même commando. J'en termine juste avec la justification. Retrouver la pureté originelle de la lutte de libération nationale. Moi, s'il y a un mot qui me fait trembler en politique, c'est le mot pureté. Parce qu'on sait très bien que c'est pas un exercice où la pureté se voit dans toute son excellence et dans toute son ampleur. Mais quand on revendique la pureté d'un mouvement, ça me fait un peu penser au mythe du bon sauvage de Rousseau. Avant c'était mieux, Russe était peut-être mieux. Mais enfin, il y a un peu un aspect taliban dans cette affaire, de la manière de laquelle l'ont exposé ceux qui ont accepté de s'expliquer sur leurs motivations. Mais la plupart du temps, ces motivations étaient d'une extrême pauvreté. Alors, vous arrivez sur ce dossier parce que vous êtes en charge de l'affaire contre l'attaque de l'ENA à Strasbourg, entre autres, et là vous établissez un lien avec l'assassinat du préfet Rignac. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille ? Ben, c'est surtout la tête de la gendarmerie de Pietrozelle, dont je suis en charge depuis la fin septembre 1997. Les faits ayant été perpétrés dans la nuit du 5 ou 6 septembre 1997. De quoi s'agit-il ? D'un commando qui va attaquer cette brigade de gendarmerie. Au retour d'une patrouille nocturne, il est à peu près 1h du matin. Le commando composé de 5 hommes plus un chauffeur qui reste à l'extérieur, s'introduit dans l'enceinte militaire, attend le retour de la patrouille. Lorsque le premier gendarme vient ouvrir le portail, il est neutralisé. Et le second, lorsqu'il gare le fourgon trafic dans l'enceinte de la gendarmerie, il est à son tour. Comme les bâtiments administratifs, plus exactement militaires, mais sont séparés du lieu d'hébergement des gendarmes et de leurs familles, cette entité de la gendarmerie est fouillée. On vole des effets vestimentaires et différents documents au sein de cette unité de gendarmerie. On laisse une charge temporisée et les gendarmes sont amenés dans le maquis, où on les retrouvera par la suite, alors qu'ils avaient été dans un premier temps bâillonnés et ligotés. Ils sont emmenés dans le maquis par le commando. Entre-temps, la gendarmerie explose du fait de l'engin temporisé, du fait de la déflagration de l'engin temporisé. Et là, ça, là vous y voyez le lien après ? Non, non. Les deux gendarmes se sont vus dépouillés de leurs armes. Et comme vous l'avez indiqué... L'arme est laissée en guise de signature. Ce sont des pistolets automatiques Beretta et c'est celle du gendarme Yernaud, l'un des gendarmes pris en otage 5 mois auparavant, qui est identifié par le numéro de l'arme. Ce qu'on savait à ce moment-là, c'est que l'attentat contre l'École nationale d'administration à Strasbourg, Pietrozelle et Vichy, c'était sinon les mêmes auteurs, du moins le même groupe qu'il avait perpétré, parce qu'il y avait une communauté dans les revendications. La revendication de l'action de Strasbourg est strictement identique à la revendication de Pietrozelle. Et lors de la revendication des attentats de la nuit du 10 au 11 novembre de Vichy, vous comprenez bien quel était le symbole pour lutter contre l'État colonial, pour authentifier, parce qu'ils rappellent dans leur communiqué de Vichy que ce sont déjà eux qui ont frappé à Strasbourg et à Pietrozelle, pour faire bonne mesure, il renvoie la photographie de la femme d'un gendarme avec sa fille qui se trouvait dans le képi d'un des gendarmes de Pietrozelle, képi qui avait été volé. Ah oui, il dit c'est bien nous. Donc là, il n'y a pas de doute. On est en face d'un groupe qui a frappé 2 fois sur le continent et 1 fois en Corse. Alors... Et la signature définitive intervient... le soir même, parce que ça, on le sait dans les heures qui suivent, le soir même de l'assassinat du préfet Erignac. Alors, l'enquête commence, et l'enquête est compliquée. Est-ce que vous, en tant que juge d'instruction, vous avez senti dès le départ qu'il y aurait des luttes internes entre la police judiciaire d'Ajaccio, la DNAT de Roger Marion, quel était son... comment il s'est comporté? Eh bien, écoutez, chacun a choisi son camp, en quelque sorte. Je n'avais pas d'atome particulièrement crochu avec le patron de la DNAT, Roger Marion, mais enfin, les sentiments comptent peu dans cette affaire. Par contre, mes collègues Jean-Louis Bruyère et Laurence Levert l'appréciaient plutôt. Bon, il a fallu trouver un consensus qui tienne à peu près la route, mais où le feu a rapidement pris, c'est que le patron de la division nationale antiterroriste s'en est pris avec une virulence inouïe aux prestations du service régional de police judiciaire d'Ajaccio, dirigé à l'époque par Dimitrios Dragacci. C'est pas que le travail des premiers enquêteurs sur place avait été exempt de tout reproche, vous l'avez d'ailleurs signalé le lendemain de l'assassinat, il y a quelqu'un qui a montré une douille qui n'avait pas été retrouvé. Ouais. Je fais simplement observer que ça se passe de nuit dans une rue mal éclairée et avec la panique que ça entraîne pas chez les services de police, ils doivent faire preuve d'une forme de sang-froid. Mais il faut rappeler tous les troupes, on est un vendredi soir, avec des gens qui habitent à des kilomètres et des kilomètres. Enfin bref, ça n'a pas été parfait. Je suis pas sûr que le travail de Roger Marion ait toujours été frappé non plus du sceau de la perfection. Mais je dirais que ça, c'est un épiphénomène. Ça ne vous a pas facilité la tâche, Ça n'a pas facilité le bon déroulement de l'enquête. Mais vous savez, les institutions, pour critiquables qu'elles soient, et les hommes qui la servent, doivent aussi être appréciés dans le sens d'un jugement de valeur ou de non-valeur, en fonction de leur capacité à surmonter ces difficultés. Bien sûr. Et j'observe que dans une affaire difficile, pour les raisons que j'ai exposées au départ, on constate quand même qu'on a fini par trouver le groupe qui a perpétré l'assassinat du préfet et qui avait pris toute précaution, bien évidemment, pour laisser le moins de traces possible. Alors, est-ce que, par ailleurs, la période de cohabitation, la dimension politique de l'époque a pesé sur vos épaules ? Pas trop, non. C'était pas une opposition, Monsieur Chirac à l'Élysée et Monsieur Jospin au gouvernement. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir un grand ministre de l'Intérieur à l'époque qui était Jean-Pierre Chevènement. Ce qui a pesé, par contre, ce sont les extravagances de Monsieur Bonnet, préfet de la République, qui, en définitive, s'est cru investi, avait à considérer que sa mission avait un caractère messianique, et ça, que l'on soit juge, que l'on soit préfet, ça ne pardonne pas. Alors effectivement, il disposait de la gendarmerie nationale qui lui était très très fidèle, service que j'avais saisi à l'origine dans le cadre de l'attaque de la gendarmerie de Pietrozel, et comme on savait qu'on était sur le même groupe, ça laissait place à différentes possibilités. Et malgré mes mises en garde, la gendarmerie, je ne dirais pas dans son ensemble, mais un certain nombre de ses responsables a joué double jeu. Dès le moment où je m'en suis aperçu, je les ai dessaisis pour manque de loyauté et j'ai saisi la division nationale antiterroriste de ce qui était antérieur à l'affaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac et en co-saisine bien sûr avec le service régional de police judiciaire d'Ajaccio. Mais tout ça n'a pas facilité la tâche et on s'est aperçu à travers les notes bonnets qui n'avaient pas été communiquées, qui ont été communiquées au seul Jean-Louis Brulière, qui ne s'est pas épanché exagérément auprès de ma collègue Laurence Nevers, ni de moi-même, puisqu'on en a appris l'existence par la presse, ce qui fait un peu désordre quand même, effectivement, Monsieur Bonnet, qui a prétendu, qui soutient encore qu'il avait un informateur, moi je ne sais pas si ce sont des éléments qui ont été collectés par la gendarmerie, qui ont été portés à la connaissance du préfet Bonnet, ou si c'est l'inverse. En tout cas, on constate la coïncidence entre l'émergence de ces notes Bonnet et le moment où il se fâche avec Roger Marion, parce qu'avant, il travaillait en bonne intelligence, si je puis m'exprimer ainsi. Bien, alors, là on voit quand même toute la difficulté du travail. Hein. Bon, évidemment, après, il y a Colonna et sa longue cavale. On va d'abord écouter ensemble une petite archive. Hein. Il s'agit de l'un des avocats de Colonna, Dupont-Moretti, maître Dupont-Moretti, lors du dernier procès d'Ivan Colonna, donc en 2011. J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellés le 21 et je me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Ivan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. Si on veut, ne fût-ce que 5 minutes en un mois, se dire que cet homme est peut-être innocent, voire innocent, alors il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. La présomption d'innocence, au sens vrai du terme, c'est ce que je suggère ici. Que 5 minutes, on essaie enfin d'entendre cet homme. Gilbert Hills, concernant Colonna, c'est vrai qu'il y a une absence de preuves matérielles. Les témoins oculaires ne l'ont pas reconnu. Donc ça quand même, ce sont des éléments forts. Qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, mais sauf peut-être à l'époque des procès de Moscou, vous aviez des dossiers bien carrés, des gens qui avouaient, on sait dans quelles conditions. Il y a forcément toujours des zones d'ombre, vous savez. Les juges ne sont pas des devins, ils essayent de reconstituer des histoires passées à travers les éléments qui sont ceux de la procédure. Alors on peut peut toujours argumenter, mais je crains qu'on n'en ait plus exactement non, le temps. Il est 15h55 sur qui étaient les deux témoins qui ont assisté en direct à l'assassinat du préfet. Ce qu'elles avaient dit avant, ce qu'elles ont dit par la suite, ce serait trop long. Moi, je constate une chose. Monsieur Colonna a été mis en cause par son meilleur ami Pierre Alessandri, par Monsieur Maranelli, qui ne sont pas venus spontanément. Monsieur Ferrandi l'a pas mis en cause parce que lui, il a refusé de détailler les rôles de chacun des membres du commando, mais il a reconnu sa responsabilité à lui, il a chiffré le nombre de membres du commando, et bien d'autres dans le commando initialement arrêté en mai 1999. Monsieur Colonna se soustrait à la justice suite à ce que M. Jospin aurait pu qualifier d'une erreur d'appréciation des fonctionnaires de police alors dirigés par Roger Marion. S'il avait été arrêté tout de suite avec les autres, c'eût été grandement préférable. Comment vous l'avez vécu ça, le fait qu'il soit en cavale? Ça n'a pas dû être facile, ça a été long. À long. Tout pécheur miséricorde, et je le dis dans le sens parfaitement laïque du terme. Enfin bon, c'est vrai que ça a été long. Plus de 4 ans pour le retrouver, mais je vous fais observer que ceux qui prennent le maquis, enfin monsieur Colonna appelait ça sa période de recul, elle a duré plus de 4 ans. Finalement, c'est la durée moyenne de ceux qui trouvent refuge dans l'île de Beauté et qui bénéficie de soutien et de véritables réseaux de soutien. Et l'enquête sur la cavale d'Ivan Colonna, car il faut quand même appeler un chat, l'a démontré. Bref, 4 ans et quelques mois après qu'il ait été, que son arrestation n'ait pu être réalisée, on entend Monsieur Colonna. Et trois juges dans le triptyque des affaires. Pietrozel, l'assassinat d'Erignac et les affaires encore ensemble. Quelle est son attitude? C'est, moi, je n'ai rien à voir et je refuse de m'expliquer. Refuse de m'expliquer. C'est la chaise vide, complètement. C'est la politique de la chaise vide. Juste à ce que j'ai été confronté à ceux qui m'ont mis en cause. Lorsque cette confrontation intervient, alors que leur rétractation ne passe pas aux yeux des juges d'instruction, ne passe pas la barre, parce que les déclarations ont été trop circonstanciées. Vous avez cité la femme de Ferrandi qui dit, dans la nuit du crime, il y a mon mari qui est rentré donc à la Ferrandi avec Ivan Colonna et Pierre Alessandri. Et à un moment, ils sont ressortis parce qu'il y a eu un coup de fil de Marcel Marius Istria sur le coup de 5h le matin. Ils pensaient que les flics qui étaient autour. Comment on le sait, ça? Parce que Madame Ferrandi nous le dit. On ne l'a pas au dossier, on ne le sait pas, et ce sera validé par les autres. Bon, bref, après, c'est la politique de la chaise vide, et quand il finira par donner un alibi tout à fait à la fin, pour Pietrozel en tout cas, cet alibi sera démontré. Ivan Colonna a été jugé 3 fois, il n'y a que 2 fois qui comptent, 2 fois perpétuité, bon. La justice a tranché. Et l'audience est terminée, monsieur le juge, parce qu'il est, voyez-vous, l'heure en radio, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir.